It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill, can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Il est 10h02, vous écoutez The Radio Center, soyez les bienvenus. Vous êtes nombreux à nous écouter, c'est génial. Donc on est le mardi 31 juillet 2018 et aujourd'hui je suis avec Kendra. Salut Kendra, comment ça va? Salut Antoine, salut à tous. Ah bah je suis chaud moi aujourd'hui. Ouais je vois ça là, ça commence fort dès le matin. Ça commence ouais. Donc aujourd'hui au programme il y aura plein de choses, il y aura. Dans un instant ce sera les éphémérides présentées par moi. À 10h15, ce sera l'heure de retrouver la chronique horoscope par Virginie. On l'adore Virginie, elle est là ma petite beauté. J'ai pété un câble sérieux. Donc ouais, il y aura Virginie à 10h15. À 10h30 ce sera l'heure de retrouver la chronique high-tech présentée par moi. À 10h45 ce sera l'heure de la météo présentée par Kendra. Kendra, dis-moi, il va faire beau aujourd'hui? Ouais, normalement beau soleil aujourd'hui sur l'agglomération Seine-et-Marne. Je crois que c'est le soleil qui me fait ça, là je suis chaud mais je te jure je suis trop parti. Bon il est 10h03, après il y aura quoi? Après la météo, La météo. Il y aura Tika ce qu'on mange, oui. Après il y aura, bon je me reprends. Tati Karine, après ouais. On aura Michel. Le programme TV de Michel. Ah ça sera à 11h15, voilà. 11h30 ce sera l'heure de retrouver l'info actuelle avec Kendra. Et on trouvera une chronique mystère comme tous les jours, ça ce sera vers 11h45. Voilà, merci de nous rejoindre sur Zora du Seigneur. Vous écoutez Ça se passe chez vous, on est ensemble jusqu'à midi, c'est Antoine et Kendra et c'est la spécialité, soyez les bienvenus. Your bread. Still morning, no coffee or bread. Still got that alcohol running through my head. I don't like my friends. Le très bon son de Saint-Lanvin, c'était le son de Saint-Lanvin. If Jesus, j'ai pas le titre, il s'affiche pas. If Jesus Love Me, c'est ce qu'on vient de s'écouter sur Zard Scener. Soyez les bienvenus. Vous écoutez votre émission, ça se passe chez vous et c'est l'heure des éphémérides. Donc on est le mardi 31 juillet 2018, 212e jour de l'année. Aujourd'hui on fête les Ignace ainsi que les Germains. Pour ce qui est des prénoms bretons, on fête les Germans ou Germaine, mais c'est un prénom en bleu, donc c'est un prénom de garçon. Bonne fête en tout cas à tous ceux qui s'appellent comme ça, et pardon si j'ai écorché votre prénom. Niveau anniversaire, on fête également l'anniversaire de Grand Corps Malade. Je voulais placer un slam à mon slammer favori. Voilà, bon voilà, je l'ai placé. 41 ans, joyeux anniversaire. C'est également l'anniversaire de l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, fête ses 53 ans. Très joyeux anniversaire à elle. Et puis enfin, au niveau politique, très joyeux anniversaire à Pénélope Fillon, 63 ans, mais rend quand même l'argent, on t'oublie pas. Et enfin, niveau acteur, c'est Marion Game qui fête ses 76 ans. Pour la petite anecdote, c'était également l'anniversaire de Louis de Funès. Il était mort 68 ans, mais il était né un 31 juillet 2018. Non, pas 2018, c'est la date d'aujourd'hui, donc il peut pas être né, voilà. Bref, on a pété un câble aujourd'hui. 10h09, vous écoutez The Radio Scener, la meilleure radio dans toute l'agglomération Scener. Dans un instant, Logic et Reagan Monman qui arrivent avec Broken People. Il y aura aussi l'horoscope de Virginie, mais pour l'heure, Bob Sinclair, I Believe sur The Radio Scener, bienvenue. This world has brought you down to your knees. You're not alone, everybody needs to believe in something, to believe in one thing, I believe in. I won't never be nothing. Ain't that something? I've risen from the bottom. I got them eyes on the prize, and inside I'm damn right I overcame. Y'all know the name. We similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name. Right now, I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today. Like, I'm all on my own now. I won't ever let you down. Won't let you down. Down, down. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken. We back at it. Now. Young Logic, the rap addict. Giving it every part of myself on the real. You would think I'd be asthmatic. Allergic to your bullshit. Yeah, that's right, I done had it. Real all the time. If you rep it, get it, cat it right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now. I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe, feel the vibe, feel the vibe, feel the vibe. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Between our streets, we're broken people now. We're broken people now. Bonjour, c'est bonjour, c'est Ragen Von Man et vous écoutez The Radio Seigneur. Je tente des trucs, je suis ouf. Bon, on va passer sans plus attendre. On va passer sans plus attendre à l'horoscope. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur The Radio Seigneur. Ouais, 10h et 15 minutes, c'est l'heure de l'horoscope et vaut mieux que ça se passe comme ça. Bélier, vous retrouvez votre bonne humeur, ce qui vous sied à ravir. Vous n'en demandez pas plus pour être heureux. Taureau, prenez garde. Vous ne maîtrisez pas toujours la portée de vos propos. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Gémeaux, vous multipliez les initiatives pour être remarqué. Attention, mettez un bémol à vos ambitions pour le moment. Vous n'êtes pas en position de force. Cancer, extériorisez vos sentiments, vous vous allégerez les épaules d'un poids trop lourd. Lion, formulez vos émotions, dévoilez vos désirs, vous bénéficierez d'une écoute attentive. Vierge, vous redoublez d'efficacité pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Balance, Mars vous gratifie de ses influences tonifiantes, n'exagérez tout de même pas. Scorpion, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vos propos acides peuvent déclencher une dispute au sein de votre couple. Sagittaire, Mars vous insuffle un fort potentiel énergétique. Profitez-en. Capricorne, savourez les tendres moments qui se présentent. C'est la meilleure façon de vous ressourcer. Verseau, les couples traversent une période épanouissante et harmonieuse. Profitez-en sans modération. Poisson, votre détermination sera votre meilleur atout. Foncez, le succès vous attend. Merci beaucoup Virginie, on te retrouvera demain, c'est-à-dire vers 10h15, toujours sur The Radio Seigneur, scène-heure.theradio.net. D'ailleurs, je voulais faire un petit point sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur le site scène-heure.theradio.net. Il y a aussi, évidemment, sur le Facebook The Radio Seigneur, sur le Twitter @AntoineRadio, vous m'envoyez directement vos petits MP, vous êtes nombreux à me les envoyer, donc je les lis avec attention, puis quand il y a des choses à passer à l'antenne, bah, je les passe, donc voilà, j'hésite pas. Enfin, vous pouvez m'envoyer des trucs sur le The Radio 27 et sur Snapchat, par contre.

I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste, waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste, waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. De J-Dead feat Ashinko sur Zora du Seigneur, c'est Pancake que je viens de vous caler. 10h30, vous écoutez Zora du Seigneur, c'est ça se passe chez vous. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous. Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. Et puis c'est l'heure de passer à la chronique high-tech. Alors d'habitude c'est Joëlicia qui me présente cette chronique high-tech, mais aujourd'hui elle est en vacances, du coup c'est moi qui vais vous présenter cette chronique high-tech. Alors je vous l'ai écrite avec plein d'amour et puis plein de news qui me semblent intéressantes. Alors aujourd'hui au sommaire, il y aura l'éditeur de Fortnite, Epic Games, qui semble choisir une manière peu conventionnelle de publier son application Fortnite tout simplement sur Android. On en parle en seconde partie, mais pour commencer on va parler des rumeurs autour des nouveautés matérielles et logicielles du côté de chez Apple. Côté iPhone, il semblerait, selon 9to5Mac, donc c'est un site sur internet anglophone je crois, que, alors il semblerait selon ce site que parmi les prochains modèles qui seront présentés en septembre, comme la tradition le veut, certains soient dotés d'un port SIM supplémentaire, ce qui permettrait d'avoir une ligne pro par exemple sans prendre pour autant un téléphone supplémentaire. Donc voilà, ça permettrait de passer d'appel avec deux numéros dans un téléphone, c'est pratique et il n'y a pas besoin de changer de carte SIM dedans. Donc voilà. Toujours selon les rumeurs, un des modèles présentés aurait un écran de 6,5 pouces, donc ça me semble plutôt énorme, mais en même temps, bah, c'est bien d'avoir des grands écrans, maintenant on peut avoir plein de choses dessus et tout, enfin bref. Aussi, dans la dernière version de iOS 12, donc c'est des bêtas en ce moment qui paraissent pour les développeurs et pour le public, il y a de nouvelles photos d'un nouveau boîtier de AirPods, ce qui montre que la révision du boîtier présentée en septembre 2017 n'est pas abandonnée. Pour rappel, Apple avait présenté une boîte de AirPods qui se recharge sans fil et qui serait vendue en option. Donc voilà, ça devrait paraître bientôt, je pense. Et il y avait également une borne de recharge, la AirPower, il me semble, qui permettait de recharger jusqu'à 3 appareils Apple en recharge sans fil. Donc voilà. Du côté dernière news d'Apple, le nouvel iPhone iPad de 2019 pourrait être sans bordure et Apple pourrait bien choisir de retirer le bouton Home ainsi que la prise de jack. Le retrait du bouton Home pourrait amener la techno Face ID sur cette nouvelle tablette, ce qui semble plutôt correct. On va faire une petite pause et puis on reviendra dans un instant avec la news de Fortnite. Pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Post Malone sur Zora du Seigneur. 10h32, on est en plein cœur de la chronique high-tech. Et dans un instant, je vous parle de Fortnite sur Android. Soyez les bienvenus, bon réveil. Post Malone, Psycho sur Zord de Seineur, 10h32. Damn, my hippie gone psycho. Le mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo. For clowns and all the balls. Oh, my hippie gone psycho. Le mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through. You stuck in the friend zone. I time like 4, 5, 5. Ayy, 100 bands inside my shorts. A chain, all the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million. I'm like, shit, this is it. Ayy, 34, walk through, man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get sent in the rent. And I'm like, whoa. Tell you no. Damn, my AP gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo. For clowns and all the balls. Oh, my AP gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my. They be going psycho, my rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your bitch. All her riding in the old school Chevy, it's a drop top. Booming with a thot thot, she gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey! Take you to the smoke shop, we gon' get high, ay. We gon' hit Rodeo, Dollar Valentino. We gon' hit Pico, take you where I'm from. Take you to the slums, this ain't happen overnight. Know these diamonds real bright. Santa Jean, still in my pants though. All VVS's, put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they're matching with the jewelry. Damn, my hippie gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo. For clowns and all the balls. Oh, my hippie gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling. Juste après le son de Post Malone avec Psycho, il est 10h36, vous écoutez The Radio Center et on va passer à la suite tout simplement de la chronique high-tech. Il y a un instant, je vous parlais des rumeurs concernant les futurs produits Apple et les futurs logiciels tout simplement. Et là, on va passer au jeu Fortnite, puisque le désormais très célèbre jeu dans lequel vous devez affronter d'autres joueurs seul ou en équipe sur une immense carte devrait arriver sur Android, mais pas forcément comme vous l'aviez prévu. Culture Geek, le site d'actualité français, nous rapporte que le téléchargement du jeu pourrait se faire sans passer par le Play Store, mais tout simplement via un système de téléchargement direct depuis le site de Epic Games, et que les raisons de ce choix seraient simplement financières. En effet, lorsque vous jouez à Fortnite, vous pouvez acheter des armes et plein d'autres contenus supplémentaires payants afin d'augmenter votre skill en jeu. Mais en passant par le Play Store, Epic Games devrait reverser une part de ses revenus à Google. Ainsi, Epic Games garde une plus grande partie des parts, une plus grande part des recettes du jeu, excusez-moi. Et on note que le seul magasin d'applications accueillant Fortnite est l'App Store d'Apple pour ses appareils iOS. On pense que c'est parce que il est beaucoup plus compliqué, pardon. On pense que c'est parce qu'il est beaucoup plus compliqué pour un utilisateur lambda d'installer une application par des manières non officielles sous iOS. Donc en gros, bah, Google n'aura pas de bénéfice sur Fortnite. Voilà, c'était la dernière news. On a fait ça rapidement, dans un instant il y aura la météo de Kandra. Mais pour l'instant on va continuer en musique avec le son de Ocean Park. Soyez les bienvenus, Lost Boys sur The Dessiner, 10h37. Après le son de Ocean Park, Lost Boys, c'est ce qu'on vient de s'écouter sur Azure du Seigneur, 10h41. Dans un instant, la météo avec Kandra, mais pour l'instant, c'est Alok et Bruno Martini sur Azure du Seigneur, Hear Me Now, Fit the Bass. Bienvenue. forget to hear me now. Après le son de Alok feat Bruno Martini sur The Radio Seigneur, ça va être l'heure de retrouver la météo sur The Radio Seigneur. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous ? Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. À 10h44, on retrouve la météo avec Kandra. Salut Kandra. Salut Antoine, salut à tous et bienvenue dans la météo de ce mardi 31 juillet. Aujourd'hui, l'agglomération Seigneur sera sous les rayons du soleil toute la journée, même si quelques nuages accompagnera ce ciel bleu. En cette fin de matinée, les températures atteigneront 23 voire 24 degrés sur l'ensemble de la région. Les températures vont progressivement augmenter durant le début d'après-midi pour une température moyenne atteignant les 26 degrés avec un ciel plutôt dégagé. Dans l'agglomération, on sera à 27 à Louviers, 26 du côté d'Aquigny et Amfreville-sous-les-Monts et 27 à Léry. En fin de soirée, Enfin, la soirée sera parfaite pour profiter de ce ciel bleu puisque les températures redescendront. On aura des températures entre 23 et 25 degrés qui redescendront dans la soirée à environ 19 degrés pour dormir dans une nuit assez fraîche. Le soleil se couchera à 21h38 aujourd'hui. Voilà pour les prévisions météo. Merci beaucoup Kandra, on se retrouve demain pour une nouvelle prévision météorologique et puis à 11h30 pour l'info actu comme d'habitude. Bon, on va continuer en musique avec tout ça parce qu'il y aura plein de choses qui arrivent. Dans un instant, il y aura le son de Lily Allen avec Fuck You, le nouveau Kenji Girac, Maria Maria, 10h46. Et là, on écoute Vita et Claudio Capeo. Un peu de rêve sur The Radio Seigneur, bienvenue. Comme on se couche, on se lève, regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves, ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Prépare la relève pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aident. On est tous des mêmes. La lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Défendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi du pan, c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mêmes. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Défendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Nos rêves.

hacer es lo que andaba buscando. El doctor recomendando, creí que estaba soñando. Oh, oh, oh, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando. Qué bien. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé, me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Le son de Shakira, Me Enamorame sur The Radio Center. Soyez les bienvenus, il est 10h02. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h-midi sur The Radio Center. Et c'est l'heure de retrouver Tati Karine pour le dit qu'est-ce qu'on mange. Salut Tati Karine. Audionautes, bonjour. Et oui Alan, bonjour, il est l'heure de vous proposer une petite recette pour le dessert. Allez, c'est parti, à vos stylos. Ingrédients pour 15 muffins. 2 gros œufs, 80 g de beurre, 300 g de farine, un sachet de levure chimique, 100 g de sucre, 20 cl de lait de coco, 80 g de noix de coco râpée. Préparation. Préchauffer le four à 200 degrés. Faire fondre le beurre. Dans un bol, mélanger la farine et la levure ainsi que la noix de coco. Dans un saladier, mélangez énergiquement les œufs et les sucres jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez le beurre fondu refroidi, puis le lait de coco. Incorporez le mélange farine-levure et la noix de coco. Mélangez rapidement. La pâte obtenue doit être onctueuse. Répartir la pâte dans des moules à muffins individuels remplis aux 3 quarts, pas plus. Enfournez pendant 15 minutes. À la sortie du four, laissez refroidir avant de les démouler. Petite astuce, pour ne pas que vos muffins ne se dessèchent, mettez-les dans une boîte hermétique et vous verrez, ils vont bien se garder. Retrouvez les recettes sur le www.passion-cuisine.net et le Facebook dit Qu'est-ce qu'on mange ? Les chroniques sont disponibles en podcast sur le www.theradio.net. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit mes chers audionautes et je vous dis à demain. Merci beaucoup Karine, on te retrouve demain dès 11h sur Heures du Seigneur pour un nouveau 10 qu'est-ce qu'on mange tous les jours, une recette. Et comme ça, à midi, on se régale tous, petits comme les grands. C'est parti, la suite du son arrive avec dans un quart d'heure Michel de la Rédac qui arrive pour son programme télé, sa sélection de ce qui se passe sur la TNT ce soir. Mais pour l'instant, il y aura Liam Payne, Familiar, et puis le nouveau Yuko, Kylie Oldest, No Use sur Heures du Seigneur. Bon réveil et bienvenue sur Heures du Seigneur. And everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. About you, I'll never win in the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes. You missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it around when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, rebellion, just sweet success. I guess you never cared that much. I got no use for you. You only got yourself to blame. I got no use for you. And I know you feel the same. left, don't wanna know FaceTime. Cause great minds, they think just the same. Hey, yeah, you should fly Prado, a model or some kind of bottle. We'll pour up, cause I wanna taste the taste. Y en París prendemos. Olvida la crítica si nos entendemos. ¿Qué tú crees si en tu mente no me da emoción ahorita? ¿Qué necesitas? Sería mucho mejor si participas. Así vale con no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete de 100. Can we get look out. Le son de Desaparecidos, Fiesta Loca Remix 2.0 sur Zora du Seigneur, c'est ce que je viens de vous caler à 11h15. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h30 sur Zora du Seigneur. Et il est l'heure de retrouver Michel de la Rédac pour son programme télé, sa sélection de la soirée. Soyez la salut Michel. Bonjour, c'est mardi, nous sommes le 31 juillet, voici ma sélection télé avec ce soir 4 épisodes de Camping Paradis sur TF1, ça démarre à 21h. Sur France 2, le meilleur des années bonheur avec Patrick Sébastien et juste après les enfants de la télé avec Laurent Ruquier. Sur M6, vous retrouverez l'émission Audition Secrète. Sur C8, le téléfilm Tokarev avec Nicolas Cage. Grande soirée Astérix, ce soir sur W9 avec tout d'abord Astérix et le coup du menhir, et juste après, il y aura Astérix et la surprise de César. Sur TMC, 90 enquêtes, ce soir SAMU, pompiers, urgence vitale dans les quartiers nord de Marseille. Sur TFX, le film Le Mac, comédie avec José Garcia ou encore Gilbert Melki. Soirée documentaire sur les dinosaures ce soir sur France 4, deux documentaires, ça démarre à 21h. Sur France O, vous retrouverez des épisodes de la série H. Autre série ce soir, Marvel, les agents du Shield à 21h sur Sister avec deux épisodes. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce mardi. Alors pour ce soir, moi j'hésite entre Camping Paradis et Le Mac parce que j'adore les ordinateurs Apple. Enfin bref, c'est pas grave, je vous laisse regarder ce que vous voulez parce qu'il y a plein de films ce soir sur la TNT et c'est super. Alors il est 11h16, dans un instant, ce sera l'heure de retrouver l'info actu avec Kendra, c'est mon guys. Et pour l'instant c'est Marshmello, Silence sur Zora du Seigneur, bienvenue. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, and I never had someone to come home. Ooh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. Oh. I found peace in your body. Can't show me there's no point in trying. I'm that one. And I've been silent for too long. I'm at one, and I've been quiet for too long. Oh, I found peace in your body. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me a drink. Dive bar on the east side, where you at? Falling lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. to chill that you're in my head, 'cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. I wanna hold her. après la bombe de Alok et Mathieu Coste sur Zora Dessener Big Jet Planes que je viens de vous caler. 11h26 dans un instant l'info actu avec Kendra, mais pour l'instant c'est Camila Cabello, Never Be The Same sur Zora Dessener. Vous écoutez ça, se passe chez vous jusqu'à midi. Après le son de Camila Cabello, Never Be The Same, sur Zora Dessener, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Et puis, il est l'heure des infos actu avec Kendra. Salut Kendra. Salut Antoine, salut à tous. Et oui, c'est l'heure de la chronique info du jour sur l'agglomération Seine-Eure. Alors, en ce 31 juillet, avant de passer au mois d'août, qu'est-ce qu'on va avoir? Aujourd'hui, bah, on va commencer tiens, par le programme Louviers-Plage, comme chaque jour. Donc aujourd'hui, Louviers-Plage qui se déroule à la ville au Calderon de Louviers. On a 14h à 16h, bah, créa-plage, donc plein d'animations autour de la plage, divertissement, relaxation, tout ce que vous pouvez faire sur la plage. On aura aussi de 18h à 19h hein, quelque chose de nouveau aujourd'hui, puisqu'on a une initiation aux arts martiaux et aux japonais, donc voilà. Une initiation prévue par une association, l'association des sports d'arts martiaux de Louviers. 19h-21h, on aura pour ceux qui souhaitent visiter leur ville et en apprendre un peu plus sur l'histoire de Louviers, bah, on a une visite commentée de Louviers qui est prévue entre 19h et 21h, organisée par Louviers Plage. L'oubliez pas, c'est pas fini parce que aujourd'hui on a une spéciale la nocturne. Oui, du coup ça va continuer la nuit. Et cette nuit à l'Ouvier Plage, on aura une soirée jeu de société. Donc vous pouvez venir en famille ou avec des amis, profiter des jeux de société, échecs, Monopoly, Bonne Paye, enfin tous les jeux auxquels on a joué pendant qu'on était enfant. On continue avec la fête du vélo. Oui, la fête du vélo après la fête des sports extrêmes à la base de loisirs de l'Eripos. Ils décident d'organiser ce dimanche 5 août la fête du vélo. De nombreuses animations seront proposées pour celles et ceux qui aiment bien évidemment les sensations fortes comme ils ont pu en profiter la dernière fois. Au programme de 14h à 18h, les visiteurs pourront assister aux démonstrations et tester l'airbag géant avec un BMX. Et oui, vous n'avez aucun risque de se blesser. Tout le monde peut essayer les techniques et les mouvements de base, quel que soit son niveau, que l'on soit professionnel ou amateur. Bon, le principe de cette initiation au vélo et au BMX est simple. Puisque l'airbag est là pour amortir la chute, le principe c'est de s'élancer sur une rampe, se retrouver projeté en l'air et tenter une figure avant de se réceptionner sur le large matelas gonflable. Donc avis aux amateurs de stations fortes, là c'est sûr que ça va vous plaire, vous vous retrouverez en hauteur sur un vélo, sur un BMX, à vous de faire la meilleure performance possible pour plaire. Voilà le programme. On rappelle que ces animations sont gratuites et c'est juste, vous allez juste payer l'entrée du coup au parc, qui est de 4€ pour le parking. Voilà pour pour la fête du sport, la fête du vélo et de sensations fortes de l'Eripos. Et on va terminer avec un atelier cuisine pour les plus de 60 ans. Et oui, ce 2 août de 14h à 16h au pôle Bio Déauprès qui se trouve à Val-de-Reuil, où justement se trouve aussi la brasserie des deux amants. On vous propose un atelier culinaire pour connaître un peu plus l'équilibre alimentaire. Vous apprendrez aussi les bases alimentaires, quelles sont les catégories des aliments. On vous fera découvrir comment pouvoir manger mieux sans se ruiner aussi. Vous étudierez les groupes d'aliments et leur intérêt pour le corps. Enfin, vous en apprendrez plein de choses autour de la cuisine. Voilà, il faut savoir que c'est 5€ par personne. Et du coup, c'est ne pas très cher, je pense, pour avoir des cours de cuisine. Enfin, des cours sur comment bien manger, comment bien se nourrir. Voilà pour les infos du jour, Antoine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Conrad. On se retrouve dans un instant pour le revoir. Et puis demain pour la suite des infos. Ça marche. À demain. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, c'est vrai. On continue en musique avec le son de Camaleon feat Anaïs Delva, Kiero Bibir dans un instant. Mais pour l'instant, c'est le son de Koyu, 15 Sleep sur Zor de Seigneur. Say the things I know you don't like, and I can't hold you down the phone. And I'm not in the right time zone. I give you doubts, I know I do. But babe, I wanna be with you. We'll be right back. se me vaya, recordando la dulzura de tu amor. I was réveil avec Zora de Senner, le son d'Amy Winehouse, You Know I'm No Good, à l'instant sur l'heure, il est 11h44, voilà, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. Et on va passer, sans plus attendre, aux informations insolites, donc avec Kendra aujourd'hui. Kendra, je t'ai trouvé une news. Alors, je vais te faire voyager. On part en Égypte aujourd'hui, alors voilà. Imagine, t'es un zoo. T'as pas d'argent pour acheter un zèbre, mais il t'en faut un, hein, parce que dans un zoo t'as pas de zèbre. En plus en Égypte, bah c'est tu passes pour un blaireau quand même. Donc et comment tu fais à ton avis? Je choisirais un cheval très très blanc, tu vois, et je lui ferais des rayures noires à la pointure. Et bah je vous assure, mesdames et messieurs, à chaque fois qu'on arrive, trouve des trucs hyper proches de ce qui se passe, et pourtant mais Égypte, deux fois, un zoo peint un âne pour le faire passer pour un zèbre. Un âne, un cheval, c'est cousin, c'est voilà. Ouais, ouais, non, mais... Bon, bah bravo, Kendra. À la fin, tu vas avoir un lot, tu vas être... Ouais, il va j'espère bien. Il va dévaliser Zora de Seigneur. Donc, ouais, bah c'est un étudiant en médecine qui s'est rendu dans un zoo en Égypte. Et en s'approchant de plus près, il s'est rendu compte que c'était un âne. Donc, la direction du zoo a démenti, évidemment. Ils ont dit, ouais, non, c'est un vrai zèbre, évidemment. Mais il y a des vrais vétérinaires, ouais, qui se sont rendus sur place et ils ont dit non, il y a deux zèbres qui sont des ânes, évidemment. Donc voilà, c'était tout pour cette chronique. Ils ont voulu nous prendre pour des ânes. Merci, Kendra. Bon, prochaine chronique insolite plus tard, demain peut-être, même peut-être d'ici la fin de la semaine. Enfin bref, en attendant, on continue en musique avec le son de Camaleon, Quiero Sexo. Tout à l'heure c'était Quiero Bibir. Et là on continue avec Camaleon, Quiero Sexo. Mathieu Stone, c'est sur le Tinder, bienvenue. Quiero Sexo, on tombe à la renverse quand on t'aperçoit. Perché sur tes talons, tes heures de bombe. Tu sais que dans le quartier tout le monde te veut, mi amor. Quiero Sexo, non me mires, si sabes lo que pienso. Mañana y noche siempre pienso en eso. Deja que te quite la ropa, mi amor. Vamos a quemarme la piel, subir al séptimo cielo. Sexo. ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? Quiero sexo. veux du magnétisme dans l'attitude à la médecine. Quand on a fou le jeu sur ce beat, bad, bad, bad. Tout le monde est affecté, tu ressens le mood est affecté. Affecté pour ambiance manifestée, y'a qu'à tester. En présence d'un leader incontesté, dans la barre à combat. Que ma que on matraque mon traque. Que y'aura que craint, que m'en doublé. Fénil, afin d'imposer un style, notre assain les liens. N'oublie pas tous les pas qui te restent à franchir. Si tu veux marquer le tas avec un sang qui déchire. Tu demandes qui domine nos phénomènes dans la platine. Fresh off, let's go, my man. T'es mains tout le vice, qu'a compris son écomplice. Appelle la police si tu veux pas dans les coulisses. Fresh off, my man. We got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, yeah. le fabuleux son du fabuleux Jonas Blue Rise sur The Radio Sinner. Soyez les bienvenus. 11h59 et c'est l'heure de se dire au revoir. Tout simplement puisque l'émission est finie. Merci Kondra de m'avoir suivi aujourd'hui. De rien, ça fait plaisir de t'accompagner dans cette émission qui est aussi radieuse dès le matin. On te retrouve demain dès 10h sur The Radio Sinner, sinner.theradio.net. Évidemment avec demain une nouvelle chronique Info Actu et une chronique météo. Oui c'est ça ouais. Et ouais, puis pour ma part ce sera éphéméride et puis ciné comme d'habitude. Enfin bref, belle journée à vous et on vous retrouve demain. Bon appétit. À ciao. Allez, salut, ciao. Ça se passe chez vous, revient demain dès 10h sur The Radio Sinner. Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.theradio.net. écoutez The Radio Center, il est midi et 4 minutes. The Radio Center. The Radio Center. www.sen-heure.zoradio.net. 100% tube. 100% tube. Ouais. Get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through the motions. Sent up a flare, need love and devotion. Traded for some faces that I'll never know, notion. Maybe I should try to find the old me. Take me to the places and the people that know me. Trying to just connect, thinking maybe you could show me. There's so many people here, then why am I so lonely? Good friends, hard to find, let's face it. Buy the perfect home when there's a flood in the basement. Made a couple dollars now and I ain't trying to chase it. Kids from Oklahoma, man, we don't waste it. I'm just trying to paint the picture for me. Something I could give a damn about in maybe 40 years. And I've been ready and willing and able to edit the story. Cause there's too many people here to be so damn lonely. I'm switching to a new lane. Foot to the floor, man, searching for the real thing. Meet somebody else sometimes, ain't no shame. Head to the clouds, ain't. It's like, can I get a connection? The Radio Center. The Radio Center. www.sen-heure.zoradio.net. 100% tube. 100% tube. Ouais.

A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. First time we touched, the stroke of your face.